Chapitre 35e. Rose ferma ses lèvres glacées et passa sa main compatissante sur le front jauni, puis elle se dirigea vers la chambre d'André. Elle frappa doucement, croyant entendre la voix de son mari lui répondre, elle tourna le bouton et entra. Une bougie brûlait sur la table. Les papiers épars sur le bureau témoignaient qu'André avait travaillé pendant la nuit. Il n'était pas dans son fauteuil. Elle regarda autour d'elle. Il dormait tout habillé sur son lit. Elle fit un pas en avant et s'arrêta devant lui, les mains jointes, le cœur plein de prières ardentes et d'amour désespéré. Il dormait d'un sommeil d'enfant, l'air paisible et triste ainsi que dans la veille. Une de ses mains soutenait sa tête, l'autre retombait sur le bord du lit. Que de fois Rose l'avait vu dormir dans la même attitude. Elle le regardait à peine d'un air dédaigneux, consentant tout au plus à se dire qu'il était très beau ainsi. Elle l'avait contemplé dans ce temps-là comme un objet d'art. Maintenant, tout son cœur de femme aimante et jalouse se soulevait en elle et la portait vers cet époux endormi. Elle ressentit un désir brûlant, irrésistible de prendre la main qui semblait s'étendre vers elle et d'y mettre un baiser passionné qui réveillerait le dormeur, qui réveillerait peut-être en même temps l'ancien amour. Averti de sa présence par un mystérieux instinct, André ouvrit les yeux et au même instant fut debout devant elle. « Je vous demande pardon, » dit-il, « je m'étais endormi. Vous avez besoin de moi ?» Un écroulement subit se fit dans le cœur de Rose, précipitant au fond des abîmes le rêve insensé qu'il avait porté si haut tout à l'heure. Elle baissa les yeux, recula un peu vers le bureau et dit à voix basse « Florence vient de mourir. Il y a des démarches à faire. Auriez-vous la bonté de vous occuper de cela ?»« Certainement, » répondit-il en la regardant avec pitié. Elle paraissait brisée. « Vous auriez dû venir me chercher plus tôt. » ajouta-t-il doucement. Elle est morte sans agonie. Je ne pourrais dire à quel moment. Elle se dirigeait vers la porte avec un mouvement lassé. André avait déjà couru à la fenêtre. Un torrent d'air frais entra, éteignant la bougie oubliée, et à la clarté du jour, il aperçut les yeux creusés par la nuit d'angoisse et les joues pâlies de Rose. Elle se retourna avant de sortir. « Je regrette, » dit-elle, « de vous donner tout ce tracas. Vous avez assez de vos propres peines. » « Il faut bien s'entraider, » répondit-il avec un demi-sourire, qui rappela tellement l'ancien temps à la jeune femme désespérée qu'elle se jeta vers lui avec un geste suppliant. « André !» dit-elle. Il la regarda soudain d'un air si calme qu'elle se sentit comme figée en dedans d'elle-même. Elle s'arrêta. « Je suis très fatiguée, » dit-elle en reprenant son apparence ordinaire, un peu nerveuse aussi, « et ce n'est pas étonnant. » « Vous avez bien voulu me dire que vous vous chargez des démarches indispensables. Je vous en remercie. Et sachant que je puis compter sur vous, je vais me reposer pendant une heure ou deux. »« Vous pouvez en effet compter sur moi, » fit André en la reconduisant jusqu'à la porte avec une extrême politesse. Elle alla se jeter sur son lit, mais il n'y trouva pas le sommeil. Dans la journée, elle eut plusieurs fois occasion de revoir son mari. Il s'était composé vis-à-vis d'elle, une attitude irréprochable, où la différence due au chagrin de la jeune femme se mitigeait d'une invincible froideur. Il lui rendit tous les services qui étaient de son ressort à la table du déjeuner. Il la pressa même de manger avec une insistance presque affectueuse. Mais Rose sentait, à ne pas s'y méprendre, qu'il eût agi de même avec une femme totalement inconnue, éprouvée par une perte semblable à celle qu'elle venait de faire. La conduite d'André lui était dictée par l'humanité, et ce sentiment exquis des convenances qui lui avait jadis fait juger si sévèrement les écarts de sa femme.